Dans le cadre des soirées de Paris, la radiodiffusion télévision française présente Eurydice, trois actes de Jean Anouilh, avec Lucien Barou, Anne Béranger, Yves Brinville, Gérard Darieux, Jacques Dinam, Viviane Gosset, François Jour, Raoul Marcot, Jean Mauvais, Robert Moore, Picolette, Marcel Prince, Lucien Rimbourg, Jacques Ribérol, Raymond Rouleau, Jean Topard, avec Jacques Amirian dans le rôle d'Orphée et Françoise Lugagne dans celui d'Eurydice. Réalisation Pierre-Christian Renard. Direction artistique Raymond Rouleau. Le buffet d'une gare de province. Style pompeux, usé et sali. Table de marbre, glace, banquette de velours. Sur sa caisse trop haute, comme un Bouddha sur un autel, la caissière, au gros chignon, aux seins énormes. De vieux garçons chauves et dignes, des boules de métal où dorment des torchons puants. Orphée joue doucement du violon, dans un coin près de son père, absorbé dans des contes sordides. Au fond, un seul client, un homme, chapeau rabattu sur les yeux, en imperméable, l'air absent. Le père s'arrête de compter, regarde Orphée. Fiston. Papa? Tu n'as même pas l'intention de faire faire la quête à ton vieux père dans un buffet de gare, fiston. Je joue pour moi. Buffet de gare, il n'y a d'ailleurs qu'un seul consommateur qui fait semblant de ne pas écouter. On la connaît, la ficelle. Ils font semblant de ne pas écouter, puis après ils font semblant de ne pas voir l'assiette qu'on leur tend. Eh bien, moi, j'ai fait semblant de ne pas voir qu'ils font semblant. Ça t'amuse tant que ça, toi, de jouer du violon? Je me demande comment, étant musicien, tu peux encore aimer la musique. Bah, quand j'ai bien raclé pour les imbéciles qui jouent aux cartes dans une brasserie, je n'ai qu'une envie. Aller jouer aux cartes dans une autre brasserie. Ah oui, d'ailleurs. Hein? Qui te l'a dit? Figure-toi qu'il y a 20 ans que je m'en doute. Oh, 20 ans? Non, tu exagères. Ça, il y a 20 ans, j'avais encore du talent. Ah, il y a 20 ans, au beau jour du symphonique, qui aurait dit à ton père qu'il en arriverait à pincer de l'harpe aux terrasses des cafés. Qui lui aurait dit qu'il en serait réduit à faire la quête dans une petite soucoupe. Maman, chaque fois que tu te faisais renvoyer d'une place... Ta mère ne m'a jamais aimé. Toi non plus, d'ailleurs. Tu ne cherches qu'à m'humilier. Mais ne crois pas que je me laisserai éternellement faire. Tu sais qu'on m'a proposé une place de harpiste au casino de Palavas-les-Flots? Oui, papa. Et que j'ai refusé parce que la place de violon n'était pas libre pour toi? Oui, papa. Ou plutôt non, papa. Ouais, non, papa. Pourquoi non, papa? J'ai refusé parce que tu sais que tu joues très mal de la harpe et qu'on t'aurait renvoyé le lendemain. Je ne te réponds même pas. Elle n'a pas mal mangé ce soir pour 225 francs. Non, papa. Tu es temps de prendre le légume. C'est parce que si tu sais le choisir, tu as le légume dans le plat garni. Et ils te permettent de le changer contre un dessert. Dis donc, fiston, c'est bien triste ce que tu joues là. C'est triste aussi ce que je pense. À quoi penses-tu? À toi. À moi? Non, non. Si tu veux me dire encore. À toi et à moi. Je pense que depuis que maman est morte, je te suis aux terrasses des cafés avec mon violon. Je te regarde te débattre avec tes additions le soir. Je t'écoute parler du menu du prix fixe. Puis je me couche et je me relève le lendemain. Quand tu auras mon âge, tu comprendras que c'est ça la vie. Je pense aussi que tout seul avec ta harpe, tu ne pourrais jamais vivre. Tu veux me quitter ? Non. Il est probable que je ne pourrai jamais te quitter. J'ai plus de talent que toi, je suis jeune. Je suis sûr que la vie me réserve autre chose, mais je ne pourrai pas vivre si je sais que tu crèves quelque part. C'est bien, fiston, de penser à son père. C'est bien, oui. C'est lourd aussi. Quelquefois, je rêve à ce qui pourrait nous séparer. Oh, allons, allons. Nous nous entendons si bien. Une très bonne place où je gagnerai assez pour te faire une pension. C'est un rêve. Un seul musicien ne gagne jamais assez pour avoir deux chambres et quatre repas par jour. Oh, tu sais, moi, je suis très modeste. Amené à 225 francs comme aujourd'hui, le café, le plus café et un cigare à 20 francs, je suis le plus heureux des hommes. Ouais, la rigueur, je pourrais me passer du pouce café. Il y a aussi le passage à niveau où le train écraserait l'un de nous deux. Elle. Lequel, fiston? Oh, ça m'est égal. Ah ben, tu es drôle. Pas moi. J'ai pas envie de mourir, moi. T'as des pensées sinistres ce soir, mon cher. Eh, t'es pourtant bon, ce lapin. Ah, sacrebleu, tu me fais rire, toi, à ton âge. Je trouvais la vie magnifique. Et l'amour, hein. As-tu songé qu'il y avait l'amour? L'amour? Qu'est-ce que tu crois que c'est, l'amour? Les filles que je peux rencontrer avec toi? Oh, mon cher, peut-on savoir où l'on rencontrera l'amour? Dis-moi, j'ai pas l'air trop chauve. Elle est charmante, la caissière. Un peu gironde, peut-être. Plutôt pour moi que pour toi. Qu'est-ce que tu lui donnes, toi, cette gamine? 40, 45? Je sors un peu sur le quai. Nous avons une heure avant le train. Quand il est sorti, le père se lève, va tourner autour de la caissière qui foudroie du regard ce misérable consommateur. Le père soudain se sent laid, pauvre et chauve. Il passe sa main sur sa calvitie et retourne lamentablement prendre ses instruments pour sortir. Pardon, monsieur. C'est ici qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violon? Oui, mademoiselle. C'était mon fils. Mon fils Orphée. Comme c'était joli ce qu'il jouait. Eurydice, tu es là! Oh, ulala, il fait une chaleur! J'ai horreur d'attendre dans les gares, moi. Cette tournée est mal organisée, comme toujours. Ce régisseur devrait s'arranger pour que les premiers rôles, tout au moins, n'aient pas à attendre éternellement la correspondance. Quand tu t'es bien exaspéré toute la journée dans une salle d'attente, comment veux-tu te donner le soir? Il n'y a qu'un train, maman, pour les grands et les petits rôles. Le régisseur n'y peut rien. Oh, toi, tu soutiens toujours les imbéciles. Qu'est-ce que je sers à ces dames? En Argentine ou au Brésil, quand la chaleur était vraiment accablante, j'avais toujours recours au Piperment immédiatement avant d'entrer en scène. C'est Sarah qui m'a donné le truc. Un Piperment. Et pour mademoiselle? Un café. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec Mathias? Il erre comme une âme en peine. Ne t'occupe pas de lui. Tu as tort d'exaspérer ce garçon. Il t'adore. Tu as eu tort d'abord d'en faire ton amant. Ça, je te l'ai dit à l'époque, mais ce qui est fait est fait. D'ailleurs, nous commençons et nous finissons toutes par des comédiens, nous autres. Avec un peu de glace, madame? Jamais, mon ami. Voyons, pour la voix. Qu'est-ce que t'as fait, ce garçon? Vous n'êtes même pas monté dans le même compartiment au départ de Montélimar. Tu ne l'aimes plus? Qui? Mathias! Tu perds ton temps, maman. D'ailleurs, tu as raison. Il faut suivre son instinct avant tout. Moi, j'ai toujours suivi mon instinct comme une vraie bête de théâtre que je suis. Il est vrai que tu es si peu artiste. Ah! Voilà Vincent. Le chéri, il a l'air hors de lui. Oh, sois aimable, je t'en prie. Tu sais, c'est un garçon auquel je tiens beaucoup. Ah, ma bonne amie, et moi qui te cherche partout. J'étais là avec Eurydice. Oh, ce petit régisseur est décidément impossible. Il paraît que nous devons attendre plus d'une heure ici. Nous allons encore jouer sans dîner, c'est couru. Oh, je ne comprends pas que tu la gardes un incapable pareil à ce poste. Aux dernières nouvelles, il avait égaré la malle où sont les postiches. Et on joue les Burgraves demain, en matinée. Tu vois ça d'ici, sans barbe. Mais il la retrouvera, cette malle. Elle a dû rester à Montélimar. Dans ce cas, il la retrouvera peut-être pour demain, mais pour ce soir, pour le déshonneur de Geneviève, Bernic. Il prétend que ça n'a pas d'importance parce que c'est une pièce moderne. Ben, en tout état de cause, moi, j'ai prévenu Dulac. Je ne joue pas le rôle du docteur sans le bouc. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Hein? Rien, mon ami. Un grand verre d'eau.

Tu m'as très bien compris. Ne te le fais pas répéter pour amorcer une scène de faux pathétique. Ne t'arrête pas de respirer pour pâlir. Ne commence pas à faire semblant de trembler, de t'arracher les cheveux. Je connais tous tes trucs, un par un, ils ne prennent plus. Je vais te quitter, papa. Je refuse de t'écouter, mon petit. Tu n'as pas ton bon sens. Allez, viens. La dignité aussi sera inutile. Je te répète que je connais tous tes trucs. Allez, oublie mes cheveux blancs. Oublie mes cheveux blancs. J'ai l'habitude. Mais je te répète que je refuse de t'écouter. C'est net, il me semble. Il faudra pourtant m'écouter parce que tu n'as que 2 minutes pour comprendre. Ton train siffle. Oh, ne ricane pas noblement, je t'en supplie. Écoute-moi. Ce train, il va falloir que tu le prennes tout seul. C'est ta seule chance d'arriver à temps pour avoir la place de harpiste qu'on t'a proposée à Palavas. Mais je l'ai refusée, cette place-là. Je l'ai refusée à cause de toi. Eh bien, tu diras que tu as réfléchi, que tu m'abandonnes et que tu acceptes. Tortoni n'a peut-être pas trouvé un autre harpiste, c'est ton ami, il te donnera la préférence. Oh, tu sais, les amis, les enfants, tout ce qu'on croit sacré, ça vous claque dans les mains, hein, bonjour. Je suis payé pour le savoir. L'amitié de Tortoni. Mais comment tu crois qu'il ne te donnera pas la place? Ça, je suis certain qu'il me la refusera. Mais pourtant, il te l'a proposé. Il me l'a proposé, mais je l'ai refusé. Il n'a plus la honte jusqu'à la lit. Je ne dois pas oublier que c'est un Italien. Ces gens-là ne pardonnent jamais. Ouais, prends tout de même le train, papa. Dès que tu seras parti, je vais téléphoner au casino. Jamais! Oh, ne hurle pas! Oh, le train, fiston. Bon, je vais téléphoner tout de suite. Écoute, fiston, non, ne téléphone pas à cet individu. J'aime mieux te dire tout de suite. La place de harpiste. Oui. Eh ben, il me l'a jamais proposé. Comment? Non, je disais ça pour me faire valoir à tes yeux. C'est moi qui avais eu vent de l'affaire. Je l'avais supplié de me prendre. Il a refusé. Ah bon? Je croyais que tu pouvais avoir cette place. C'est dommage, ça arrangeait bien les choses. Je suis vieux, Orphée. Prends tout de même ce train, je t'en supplie, papa. Pars tout de même pour Palavas. Il y a des cafés là-bas, c'est la saison, je t'assure que tu gagneras ta vie. Rien qu'avec l'harpe, mais tu plaisantes. Mais ce qui frappait les gens, c'était surtout la harpe. On en voit si peu. Le violon, tous les mendiants jouent aux terrasses. La harpe, tu le disais toi-même souvent, c'est ce qui nous donnait l'air d'être des artistes. Mais oui, mais tu jouais bien du violon. Et puis les femmes te trouvaient jeune, gentille. Alors elles poussaient le coude des hommes pour qu'ils mettent 20 francs dans la soucoupe. Tu penses, pour moi tout seul, elles ne le pousseront pas. Mais si, papa, les femmes plus mûres, tu sais bien que tu es un vieux donjouan. Oui, oh, entre nous, un vieux donjon pour bonne de gargote. Et puis, oui, enfin, je te l'avais jamais dit, fiston. Passé, c'est moi qui t'ai formé, j'avais ma fierté de père, mais je ne sais pas si tu t'en es déjà aperçu. Je joue très mal de la harpe. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir, papa. Tu vois, tu le dis toi-même. Papa, je ne peux plus rien pour toi. Si j'étais riche, je te donnerais de l'argent, j'en ai pas. Allez, va prendre ce train, garde tout ce qu'on avait, et bonne chance, je peux pas te dire autre chose. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, papa. La petite qui est venue me demander qui jouait du violon tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, papa. Que j'ai bavardé avec ces gens-là. Tu sais que c'est une comédienne, une troupe de rien du tout, qui joue dans des Bataclan. C'est une fille qui te grugera. Mais oui, puis allez, fais vite, papa. Je te maudis, tiens. Ah, ça te coûtera cher. Oui, papa. Je rigole. J'ai un billet. Je peux gagner d'un jour à l'autre. Ah. Tu n'auras rien. Mon papa, mon vieux papa, mon terrible papa, je t'aime bien, tu sais. Mais je ne peux plus rien pour toi. Allez, vite, vite, tu vas le rater. Tu as la harpe, la grosse valise. J'ai 200 francs sur moi, garde tout le reste. Mais oh, ne fais pas le généreux, tu sais, il n'y a pas lourd. Je suis heureux, tu sais, papa. Je l'aime. Je t'écrirai. Tu devrais être un peu content que je sois heureux. J'ai tant envie de vivre. Tu laisses ton père pour une fille. Pour une fille qui ne t'aime peut-être même pas. Je suis heureux, papa. Moi, je vais crever! Vite, vite, papa! Voilà. C'est fait. Moi aussi, c'est fait. Je vous demande pardon. Il est un peu ridicule. C'était mon père. Faut pas me demander pardon. La dame qui parlait d'amour tout à l'heure avec des glouglous, c'était ma mère. Je n'avais pas osé vous le dire. Je suis content que vous ayez eu honte, vous aussi. C'est un peu comme si nous étions des petits frères. Je vous vois traînant tout petit avec votre violon derrière lui. Il avait une place dans un orchestre. Il me faisait déjà jouer aux terrasses, entre les services. Il jouait du trombone dans ce temps-là. Il a essayé de jouer de tout, le pauvre.

J'ai pas pris le train de Palavas, tu sais. Complet. Archi complet, mon cher. Et ces animaux-là voulaient me faire payer un supplément de seconde. Alors, je suis redescendu. Je me plairais à la compagnie. Tu bois un café? Oui. Prendrais bien. Passer la nuit dans la salle d'attente, il faisait pas chaud. Bon, à te dire vrai, je me suis glissé dans celle des premières. Une excellente braquette de cuir, mon cher. J'ai dormi comme un prince. Oh, ben tu vois, à la lumière du jour, elle perd beaucoup, cette caissière. Elle a de beaux nichons, mais elle a l'air extrêmement vulgaire. Alors, qu'est-ce que tu as décidé, fiston? La nuit porte conseil. Tu viens tout de même avec moi? Oui, papa. Oh, je savais bien que tu n'abandonnerais pas ton vieux père. Nous allons nous payer pour fêter ça un bon petit déjeuner à Perpignan. Figure-toi, mon cher, je connais là-bas un petit prix fixe à 250 francs, vin compris, café et pousse-café. Mais oui, mon cher, une excellente fine. Et si tu mets 60 francs de supplément, tu as du homard à la place du hors-d'œuvre. Oh, la belle vie, quoi, fiston. La belle vie. Oui, papa. Le rideau tombe. Dans le cadre des soirées de Paris, la radiodiffusion télévision française vous a présenté Eurydice, trois actes de Jean Anouilh, avec Jacques Amirian dans le rôle d'Orphée, Françoise Lugagne, Eurydice, Lucien Barou, Vincent, Anne Béranger, une jeune fille, Yves Brinville, le récitant, Gérard Darieux, le chauffeur du car, Jacques Dinam, le petit régisseur, Viviane Gosset, la mère d'Eurydice, François Joux, le garçon d'hôtel, Raoul Marco, du lac, Jean Mauvais, le chef de gare, Robert Moore, le garçon du buffet, Picolette, une jeune fille, Lucien Rimbourg, le père d'Orphée, Jacques Ribérol, Mathias, Raymond Rouleau, monsieur Henri, Jean Topard, le secrétaire du commissaire, bruitage, Gabriel de Rivage, assistante, Olga Lancement. Réalisation, Pierre-Christian Renard. Direction artistique, Raymond Rouleau.